Chapitre 11. Le dimanche suivant, Gustave Mirmont vint rendre visite à Madame Bricard. Ignorant la maladie de Paul, il apportait une loge pour le lendemain. Il fut très surpris, non de l'incident lui-même, mais de la manière dont on en parlait dans la maison, ou plutôt dont on n'en parlait pas. D'ordinaire, quand quelqu'un tombe malade, les parents ou les amis n'ont rien de plus pressé que de raconter aux visiteurs, par le menu, les causes qui ont amené le mal, celles qui l'ont aggravé, ou quand et comment le tout est arrivé. Ici, on ne parlait point du tout des causes. En revanche, on s'étendait sur les effets, si bien que Mirmont demanda naïvement au convalescent « Où donc avez-vous attrapé cela ?» Se souvenant qu'il avait en face de lui l'adorateur de Camille, celui qui, dans l'idée de tout son entourage, aspirait à conquérir son cœur en même temps que sa main, Paul se sentit embarrassé. « C'était un soir. Je suis sorti pour reconduire quelqu'un. Il faisait très chaud ici, très froid dehors. »« Je comprends, » répondit Mirmont, à milieu de se douter que ce quelqu'un était Camille. L'embarras du jeune ingénieur ne lui échappait pas, mais avec sa profonde connaissance du cœur de l'homme, il l'attribuait à la présence de Claire. Il supposa que le quelqu'un était du sexe féminin et que Madame Bricard devait l'ignorer, ce qui lui inspira sur le champ une nouvelle estime pour le mari. Il offrit sa loge, mais personne ne pouvait ou ne voulait en profiter. Claire eut un bon mouvement. « Portez-la à Madame Froger, » dit-elle. « La bonne dame ne va guère au théâtre. Je suis sûre que cela lui fera grand plaisir. Et puis, » ajouta-t-elle en souriant, « Camille vous en saura gré. » Mirmont sourit aussi, mais moins franchement. Il commençait à se sentir embarrassé du rôle qu'on lui prêtait. Il commençait aussi à voir que Camille ne se laisserait pas toucher autrement que pour le bon motif, et même, était-il sûr qu'elle se laissa toucher par le bon motif? Il en doutait à ses heures de mélancolie. Une idée bizarre lui passa par l'esprit. Il était un peu superstitieux, bien peu, juste ce qu'il convient pour ne point avoir l'air d'un esprit fort, ce qui est très mal vu, chacun le sait. Il se décida à jouer Camille sur cette chance. « Si je réussis, se dit-il, je continuerai. Si j'échoue, je n'y penserai plus. »« Vous avez raison, chère madame, » répondit-il tout haut à Claire, qui attendait sa réponse. « Je vais tenter la fortune. » Il se leva et se rendit immédiatement chez les époux Froger. Ce jour-là, Camille s'ennuyait. Elle avait vainement tenté de distraire sa mélancolie par la lecture des livres les plus édifiants, reliés en veau noir, qu'elle avait pu trouver dans sa bibliothèque. Sa tristesse était de celle qui ne se laisse pas charmer. Il était bien cruel de savoir Paul malade, mais plus cruel cent fois de penser qu'une autre l'avait soigné, l'avait sauvé. Que n'eût-elle pas donné pour être à la place de Claire? Se pencher sur lui, redresser ses oreillers, lisser doucement les plis de la couverture, recevoir le remerciement de ses yeux noirs, si bons et si tendres, c'était là le bonheur qu'elle avait rêvé toute sa vie. Être la sœur de charité de Paul, mais de lui seul, car Camille détestait les exigences prosaïques de la maladie. Elle eût fait avec joie pour lui ce qu'elle avait fait jadis pour les pauvres de Saint-Martin. Mais alors elle était mue par l'ambition du bien, et maintenant elle ne désirait plus qu'une chose, se rapprocher de Paul et autant que possible confondre leurs deux vies. Claire était l'obstacle. Aussi Camille sentait-elle une furieuse colère gronder en elle contre la jeune femme. Claire s'était trouvée là autrefois pour empêcher Paul de remarquer la supériorité de son amie. Aujourd'hui, elle était là encore pour empêcher la jeune fille de lui prodiguer les soins de la charité. Certes, Paul célibataire, tombé soudainement malade, eut vu Camille s'installer à son chevet, et elle l'eût soigné avec tout le dévouement de sa nature romanesque, exaltée encore par le mysticisme étroit dont elle faisait sa vertu. Donc, c'était Claire qui volait à Camille ce droit sacré d'exercer la charité. Mais que faire pour remédier à cet état de choses? Rien, hélas. Tous les beaux sentiments de Camille venaient se briser contre cet obstacle infranchissable, invincible, l'existence de Madame Bricard. La rancune qu'elle nourrissait contre son amie lui donnait pourtant quelques soucis. On ne s'engage pas impunément dans une voie coupable lorsqu'on a tout un passé irréprochable derrière soi. Camille, jusqu'alors, avait vécu dans une pureté idéale, où les mauvais instincts muselés par son rigorisme ne trouvaient pas à se faire jour. Jamais elle n'avait connu la haine ni l'envie. Elle le croyait, du moins, ne se rendant pas compte que son dédain pour tout ce qui n'arrivait pas à la perfection se rapprochait fort de ces deux sentiments sans en avoir l'air. Et voilà que l'élément de la jalousie avait brutalement pris possession de son existence et s'y installait en maître. Elle en souffrait et s'efforçait de chasser ce sentiment pénible. Une idée lui vint, idée lumineuse, et dont sa conscience, accoutumée au sophisme, se paya tout d'abord. Claire lui avait nui, inconsciemment sans doute, mais elle avait toujours été le grand obstacle de sa vie. Camille lui pardonnerait généreusement. Cette résolution jeta une grande clarté dans sa tristesse. Il était beau et grand de pardonner une telle offense. L'orgueil de la jeune fille y trouvait son compte. C'est donc avec une entière liberté d'esprit que durant quelques jours, elle ajouta à ses prières une pensée de pardon pour son ennemi involontaire. Mais bientôt, la mélancolie revint avec le doute. Elle avait beau se répéter qu'en pardonnant à Claire, elle accomplissait tout son devoir et au-delà, les palpitations mourantes du droit et de la vérité qu'elle essayait d'étouffer dans son cœur la faisaient parfois tressaillir. Cet après-midi de dimanche, toutes ses pensées l'avaient ramenée bon gré mal gré à ce qu'elle tentait d'oublier, et sa jalousie contre Madame Bricard reprenait le dessus d'une façon bien douloureuse. En entendant la voix de Mirmont dans le salon, Camille hésita un instant, puis ferma son livre et quitta sa chambre. Tout être lui était bienvenu, pourvu qu'il l'arrachât à l'obsession de sa pensée. Mirmont se montra fort galant. Il offrit la loge à Madame Froger, mais en regardant Camille, et ce fut celle-ci qui accepta. Elle était devenue soudain mondaine, elle qui méprisait autrefois les plaisirs et les spectacles. Est-ce parce qu'elle trouvait dans ce va-et-vient perpétuel l'occasion de voir plus souvent Paul Brécard? Il y avait peut-être encore autre chose dans ce changement. Camille savait qu'elle était belle, mais à quoi bon si personne n'en voyait rien? Elle se croyait bien dépourvue de toute vanité, mais les fleurs sont belles, et l'on éprouve à les regarder un plaisir délicat et noble. Pourquoi n'en serait-il pas de même de sa beauté de fleur humaine? Bien mieux, cette beauté qui passait sereine, au-dessus des préoccupations vulgaires, c'était l'œuvre de Dieu. N'était-ce pas un devoir pour elle qui la possédait de la présenter aux mortels comme une preuve de ce que peut le Tout-Puissant? On irait loin avec de pareils principes. Heureusement, Camille s'arrêta en route et se contenta de parer l'œuvre de Dieu de la manière la plus avantageuse. Le lendemain, lorsque Mirmont vint voir la famille Froger dans la loge qu'il leur avait offerte, il fut stupéfait de ce que pouvait Camille pour l'embellissement de sa personne. Elle avait changé sa coiffure, dégagé un peu son cou de statue, raccourci les manches trop longues de sa robe, et le feu intérieur qui la dévorait donnait à ses yeux plus de profondeur, à son teint une transparence nacrée, à ses dents un éclat humide. Elle était si belle que tout l'orchestre à l'entracte s'était mis à la lorgner. Mirmont arriva précisément alors, et suivant la direction des jumelles, il aperçut Camille au bord de la loge, éblouissante de beauté et de dédaigneuse indifférence. Au fond, elle était enchantée de cet hommage universel et spontané. Pour ce soir-là, elle se sentait reine. Ce triomphe public est une des choses que rêvent le plus les femmes. C'est ce qui fait pour elles de la cérémonie nuptiale une affaire de si haute importance. Sur 20 jeunes filles qui se laissent marier au premier venu, il y en a au moins 18 qui demanderaient à réfléchir si elles devaient se marier en robe de tous les jours, dans la salle à manger de leur maison, sans témoins, et si on leur donnait à cette occasion ni trousseau ni corbeille. Mirmont se fit introduire dans la loge et persuada à Madame Froger qu'il fallait absolument aller voir le foyer. La bonne dame comprit à demi-mot et emmena son mari. « Viens-tu ? » dit-elle à Camille d'un air qui signifiait « Ne viens pas ». En toutes circonstances, la jeune fille eut fait précisément ce qu'on la priait de ne pas faire. Mais l'admiration du public, tout en lui causant une vive satisfaction, lui inspirait un peu de frayeur. Elle l'aimait mieux de loin que de près. Elle resta donc dans la loge et Mirmont s'assit auprès d'elle. On parla de banalité, et l'on se dit des choses fort graves, sans que personne pût les répéter car tout est dans l'accent et le sourire. Mirmont, appuyé sur le dossier du fauteuil de Camille, critiquait la toilette des femmes, et cette critique était l'éloge le plus brûlant, le plus passionné de la beauté de la jeune fille. Il lui parlait du dernier livre à la mode, et le sublime caractère de l'héroïne baissait pavillon devant celui de Camille. Elle écoutait, charmée malgré elle de cet hommage qui, joint à celui des inconnus, achevait son triomphe et un sourire d'orgueil errait malgré elle sur ses lèvres. Mirmont, qui jusque-là était resté fort hésitant dans ses intentions, se sentit tout à coup fixé. « Camille sera ma femme, » se dit-il. Avec une femme de cette beauté, il vaincrait tous les obstacles. Camille serait la reine du monde le jour où elle porterait une robe de velours avec le nom de Madame Mirmont. « Mademoiselle, » lui dit-il, et son haleine effleurait les cheveux de la jeune fille pendant qu'il se grisait du parfum de ses rubans. « Mademoiselle, j'ai mille choses à vous dire. Quand pourrais-je vous parler ?»« Mais tout de suite, » répondit Camille. « Non, pas ici. Voulez-vous m'indiquer un moment où je vous trouverai chez vous ?»« Demandez cela à ma tante, » répliqua la jeune fille avec hauteur. « Bien entendu, mais je veux vous voir vous-même. » Madame Froger, qui rentrait, coupa la réponse de Camille, qui probablement n'eût été qu'une rebuffade, car toute fière qu'elle était de cette recherche, il n'entrait pas dans ses idées de la recevoir autrement que d'une façon désagréable. Pendant l'entracte suivant, Mirmont s'arrangea pour savoir à quel moment Sébastien faisait sa promenade, quand Madame Froger se rendait au marché, à quelle heure Camille sortait pour ses leçons. Et à force d'interroger adroitement, il finit par trouver dans la semaine une heure où Camille était seule à la maison. L'heure était matinale et passablement indue, mais qui veut la fin veut les moyens, et Mirmont était décidé à éclaircir la situation. Le jour venu, Camille, dans le salon, composait son rouleau de musique pour les leçons de la journée quand la vieille cuisinière ouvrit la porte à Mirmont. Celui-ci, après avoir demandé monsieur ou madame Froger, s'était rabattu sur mademoiselle faute de mieux. La vieille servante retourna à sa cuisine et Camille, assez surprise mais pas trop, regarda son visiteur d'un air d'interrogation. « J'étais sûr, mademoiselle, » dit celui-ci, restant debout, le chapeau à la main, « j'étais bien sûr de vous trouver seule ici. J'avais pris mes informations. Voulez-vous m'accorder un moment d'entretien ?» Camille s'inclina en silence. C'était une chose intéressante que la visite de ce personnage dont elle ne pouvait méconnaître l'importance. Il allait probablement lui demander sa main. C'était encore fort intéressant. Elle écouta donc ce qu'il avait à lui dire. Mirmont, se voyant accueilli, mit son chapeau sur un meuble et présenta un fauteuil à Camille qu'il accepta machinalement. Puis il prit une chaise pour lui, à une distance respectueuse. « Vous avez deviné sans doute, mademoiselle, pourquoi je suis venue si matin et pourquoi je voulais vous trouver seule ?»« Non, monsieur, » répondit froidement la jeune fille, « je n'ai rien deviné, et si j'ai pu conjecturer quelque chose, mes conjectures n'appartiennent qu'à moi. » « C'est trop juste, » reprit Mirmont, pénétré de respect pour une si belle défense. « C'est donc à moi de vous la prendre. Je voudrais obtenir votre main, mademoiselle, mais comme je déteste ce qu'on est convenu d'appeler les mariages de raison, je ne veux la devoir qu'à vous-même. » Mirmont mentait impudemment, car un mariage de raison lui avait de tout temps paru le but de son existence. Mais outre que toute vérité n'est pas bonne à dire, en ce moment, il croyait fermement désirer un mariage d'amour et aussi d'ambition, pourrait-on dire, car il voulait Camille seulement parce qu'elle était belle. À cette phrase, la jeune fille opposa d'abord un silence qui sembla long à son prétendant, puis elle baissa la tête et répondit « Je ne désire pas me marier ». C'était une réponse commode, à la portée de tout le monde. Aussi sert-elle souvent, sans rien perdre de son mérite. Mirmont n'était pas homme à se laisser démonter pour si peu. Il s'inclina poliment et reprit « Je ne vous demande pas un consentement immédiat. Ma proposition doit vous surprendre. » Il regardait Camille. Celle-ci leva les yeux et il lut clairement que sa proposition ne la surprenait pas. « Elle est très forte, » se dit-il. « Si elle entre dans mes combinaisons, notre avenir sera magnifique. » « Je ne veux pas me marier, » répéta Camille lentement et comme à regret. « Est-ce le mariage ou le mari qui vous déplaît ?» demanda Mirmont de cette voix insinuante qui avait jadis touché un ministre. « Comment voulez-vous qu'on dise en face à un homme qu'il vous déplaît, surtout quand ce n'est pas vrai ?» Effectivement, Mirmont ne déplaisait pas à Camille. À le voir souvent, toujours prêt à lui être agréable, elle avait pris pour lui une sorte d'attachement. L'espèce de galanterie agressive qu'il déployait vis-à-vis d'elle ne lui déplaisait pas non plus. Les attentions d'un berger d'Arcadie l'eussent ennuyé. Dans cette sorte de défi que lui avait porté cet homme, elle avait trouvé l'attrait de la lutte et son ennemi lui devenait presque sympathique. Était-ce le mariage qui lui déplaisait? Hélas, avec quelle joie elle eût été la femme de Paul Brécard. Que répondre alors, à moins de faire un mensonge bien franc, bien hardi? Mais si Camille se mentait à elle-même, elle ne mentait pas aux autres, si dure que fût l'épreuve. Elle garda le silence, et comme Mirmont répétait sa question exactement dans les mêmes termes, et lui répondit nettement « Ce n'est ni l'un ni l'autre. »« Alors pourquoi ?» demanda Mirmont, de plus en plus insinuant. On eût dit que sa chaise, animée du même esprit que lui, glissait d'elle-même vers le fauteuil de Camille. « Pourquoi refusez-vous de combler mes vœux ?»« Combler ses vœux ?» Camille eût ri de cette devise de Mirliton si la circonstance n'avait pas été si grave. Elle luttait avec elle-même. Son bon sens lui reprochait amèrement de ne pas accepter la proposition de cet homme riche, bien posé, aimable, beau garçon, qui ferait un excellent mari et pour lequel elle éprouvait plutôt de la sympathie que tout autre sentiment. Mais être un autre qu'à Paul, tomber des hauteurs de l'idéal aux réalités de la vie, elle s'en sentit incapable. Levant sur Mirmont son regard qui ne tremblait pas, elle lui dit avec calme « J'en aime un autre ». Mirmont se leva brusquement, comme si cette réponse l'eût cinglé d'un coup de fouet. « Vous en aimez un autre ?» dit-il entre ses dents, blême de colère, tant le calme de Camille lui faisait sentir son infériorité vis-à-vis de l'autre, cet autre qu'elle aimait. « Cet autre, pourquoi ne l'épousez-vous pas ? » ajouta-t-il cruellement, car il savait bien le nom de celui qu'elle lui préférait. Ce fut au tour de Camille à se sentir blessée, moins de la question en elle-même que de la méchanceté avec laquelle Mirmont l'avait accentuée. Elle leva fièrement la tête un peu plus haut et répondit « C'est mon secret ». Elle était plus belle que jamais, avec son air de défi, et Mirmont n'était pas de ceux qui estiment la beauté de l'âme par-dessus tout. Il sentit son amour redoublé en présence de cette opposition. L'avenir moral de sa femme lui importait peu. Une fois qu'elle serait à lui, il saurait bien faire respecter son nom et son autorité conjugale. L'essentiel était d'obtenir Camille d'elle-même, ensuite il la traiterait soit en ami, soit en ennemi, suivant qu'elle aurait été plus ou moins soumise. « Vous me refusez parce que vous aimez Paul Brécard ?» dit-il à voix basse. « Si vous le savez, répliqua-t-elle, pourquoi me le demandez-vous »« Pour en être certain, répondit-il. « Eh bien oui, je l'aime !» s'écria Camille, enfin délivrée de son terrible secret. « Je l'aime. Qu'est-ce que cela peut vous faire ?»« Rien, assurément, puisque vous refusez de m'épouser, mademoiselle, » répondit Mirmont, redevenu maître de lui. Camille se leva pour indiquer que l'entretien était fini. Mais son interlocuteur avait encore quelque chose à lui dire. « Mademoiselle, je n'ai pas qualité pour vous adresser des conseils, encore bien moins des remontrances. Cependant, permettez-moi de vous donner un avis désintéressé. Vous êtes dans une voie périlleuse, ou bien vous mourrez du chagrin de n'être pas aimé, ce qui serait pour beaucoup d'entre nous et pour moi surtout une douleur inconsolable. Ou bien M. Brécard s'apercevra de l'affection que vous lui portez et alors... « Monsieur !» s'écria Camille, le visage empourpré par la honte et la colère. « Et dans ce cas, mademoiselle, » continua Mirmont en s'inclinant profondément, « vous mourrez de chagrin tous les deux, ce qui fera une veuve et un orphelin de plus sur la terre et ne changera rien à ce qui vous concerne. D'autres éventualités seraient à redouter si vous n'étiez pas, mademoiselle, aussi près de la perfection qu'il est permis à une créature humaine de s'en approcher. Monsieur Brécard est l'honneur même. Je vous engage à réfléchir. Si vous voulez bien m'accorder votre main, je tiendrai pour non avenue la conversation que nous venons d'avoir. » Camille, interdite, regarda son ennemi. Elle avait sans doute mal compris. Pouvait-il lui demander sa main sans son cœur ? Il saisit sa pensée. « J'ai assez de foi dans vos vertus, mademoiselle, » reprit-il, toujours digne et respectueux, « pour croire que Madame Mirmont aurait oublié tout ce qu'a pu ressentir Mademoiselle Froger envers tout autre que son mari. » Il salua la jeune fille et se retira sans qu'elle songeât à lui adresser la parole. Quand elle se vit seule, Camille resta interdite. Jamais la possibilité d'une pareille aventure ne s'était présentée à son esprit. L'homme est faible, cependant, et la jeune fille ne put s'empêcher de penser à la brillante destinée que lui offrait Mirmont. Elle le savait riche et ambitieux. Il y avait là de quoi satisfaire ses instincts à elle, de quoi la faire honorer, admirer comme elle l'avait toujours désiré. Au fond, elle sentait bien que son amour pour Paul était un défi insolent à la destinée, que toute femme vraiment sage eût étouffé ce sentiment au lieu de le cultiver avec orgueil. En épousant Mirmont, elle mettait entre elle et celui qu'elle aimait, non pas une barrière infranchissable, hélas, il n'en est point, mais un nouvel obstacle, et celui-ci plus redoutable que l'insignifiante Claire. Sans doute, mais Paul, que penserait-il d'elle ? Il devait bien savoir qu'elle l'aimait chèrement. L'esprit clair du jeune homme n'avait pu s'aveugler au point de ne pas découvrir la tendresse exaltée qu'elle lui portait. Camille espérait qu'il attribuait cette tendresse à une amitié tout idéale, planant bien au-dessus des orages de la vie. Mais en prenant le nom, en partageant la vie d'un autre, Camille cessait d'être une exception. Elle tombait brusquement du piédestal où elle espérait s'être placée. Et puis, l'épreuve que venait de traverser Paul l'avait rendue 100 fois plus chère à Camille. Elle avait beaucoup souffert depuis cette courte visite, où 2 mots à peine avaient été échangés, en présence de Claire. Rentrée chez elle, elle avait saisi son oreiller dans ses bras et affaissé sur son lit, serrant convulsivement cet objet inerte sur son cœur gonflé de sanglots. Elle avait passé la nuit à pleurer tout bas, à étouffer ses cris de colère et de douleur, et à se désespérer de n'être pas l'heureuse Claire qui le soignait, le médecin qui lui touchait le pouls, la servante qui lui préparait un bouillon, ou même, moins que cela, le tapis sur lequel il allait poser ses pieds défaillants quand il quitterait le lit pour la première fois. C'est quand celui qu'on aime est retenu dans des entraves infranchissables que l'on reconnaît si l'amour qu'on lui porte est tendresse ou passion. Claire, empêchée ainsi de voir son mari, se fut réjouie dans son chagrin en pensant qu'il était bien soigné, que des mains compatissantes et légères s'empressaient autour de lui, qu'un visage plein de bonté s'approchait de lui pour lire dans ses yeux les paroles que la bouche ne pouvait pas prononcer. Camille, elle, eût mieux aimé le savoir mort que soigné par Claire. Elle n'osait plus retourner dans cette maison, sentant bien que Madame Brécard, au moins, la rendait en partie responsable de la maladie du jeune homme. Mais bien plus que les reproches de Claire, elle craignait la présence de son mari. Elle avait peur de ne pouvoir se contenir, peur de tomber à genoux devant lui, les mains jointes, pour l'adorer, dans sa joie de le revoir sauvé, après avoir effleuré la mort de si près. Pendant les soirées de cet automne inclément, elle était allée tous les jours devant la maison dont elle n'osait franchir le seuil. Les arbres dénudés lui permettaient de voir les fenêtres. À travers celles de la chambre à coucher, les persiennes à claire-voie laissaient filtrer un peu de lumière, bien peu. Cette faible lueur suffisait pour plonger Camille dans une extase douloureuse. Derrière ces minces lattes de bois s'agitait une vie plus précieuse pour elle que tous les trésors de l'univers, mais elle ne pouvait franchir cette frêle barrière. Elle était aussi loin de l'être aimée que les curieux le sont des diamants de la couronne, exposés dans leur spacieuse vitrine de cristal, et tout aussi inabordables, bien que chacun puisse les dévorer des yeux. Elle revenait lentement chez elle, frôlant de sa main lassée les parapets des quais pour s'y appuyer de temps en temps. Le contact de la pierre glacée la faisait tousser, et elle toussait avec une joie sauvage, avec un acharnement cruel, heureuse de se sentir secouée par ces quintes douloureuses et pensant que la mort viendrait enfin la délivrer. Rentrée chez elle, la tiédeur de l'appartement la faisait passer à d'autres idées. Elle s'attendrissait sur son sort, qu'elle comparait à celui de Paul. « Il est heureux, lui, » se disait-elle. « Il aime, il est soigné. » « Moi, je suis abandonnée du destin. Nul ne m'aime, ne pense à moi, ne pleure sur moi. Pauvre orpheline, pauvre être déshérité, qui n'a ni mère ni époux. » Elle pleurait longtemps sur elle-même et sur sa mort prématurée. Ses larmes coulaient abondantes, presque douces. Elle finissait par s'endormir d'une sorte de somnolence trempée de pleurs, dont elle retrouvait la trace sur son oreiller et où elle trouvait une jouissance indicible. Pendant ces longues soirées, les époux Froger, couchés de bonne heure, pensaient à elle et s'apitoyaient de la voir tousser. Un jour, faisant un effort héroïque, ils invitèrent à dîner un vieux médecin, hors d'exercice depuis longtemps, camarade d'enfance de M. Froger. Le vieux docteur écouta Camille pendant le dîner, la regardant en dessous, la faisant parler et s'amusant à la contrarier pour la mettre d'aussi mauvaise humeur que possible. Quand la jeune fille, en sortant, lui laissa le champ libre, il rassura M. et Mme Froger. « Ce n'est rien du tout, c'est nerveux. Ces jeunes filles qui n'ont rien à faire se montent la tête à propos de tout. Donnez-lui un mari, 2 ou 3 enfants et des bonnes désagréables, vous verrez comme elle sera vite guérie. Un peu trop de travail, c'est le remède souverain aux maux de nerfs. « Mais la toux, cher docteur, » objecta Tante Belle peu rassurée. « Nerveux comme tout le reste, chère madame. Mais sa mère est morte, d'une fluxion de poitrine mal soignée. J'y étais. » J'ai dit son fait à l'imbécile qu'il avait entreprise. Rassurez-vous, chère madame, Mademoiselle Froger n'est pas plus poitrinaire que vous et moi. » Pendant la semaine qui avait suivi cette visite, Les deux vieillards, un peu rassurés, avaient repris quelque gaieté, et puis l'hiver avançait. Camille toussait toujours. Paul était tombé malade. Tout cela leur avait assombri les idées. Ils s'étaient remis à la tristesse, comme si elle dû être leur régime habituel. Camille en avait bien souci. L'ingrate ne réclamait qu'un amour au monde, celui qu'elle ne pouvait obtenir sans crime. Hors de là, la tendresse des autres ne comptait pour rien, celle de ses vieux parents moins que le reste. C'était une chose d'habitude qui, par conséquent, devenait chose due. Ah, n'accoutumez pas vos amis à des marques constantes d'affection. Au bout de peu de temps, ils seraient persuadés que vous les gâtez pour votre propre satisfaction et que les privations que vous vous imposez pour eux, loin de vous coûter quelque peine, sont pour vous des sujets de réjouissance. Camille, qui s'aimait par-dessus tout et qui recherchait en toute occasion sa glorification immédiate, offrit aussitôt à Paul le sacrifice de Mirmont. « Non, mon Paul, s'écria-t-elle, jamais je ne trahirai l'amitié que je t'ai vouée. Peut-être un jour seras-tu heureux de recourir à ma tendresse si pure et si désintéressée, quand le vide et la banalité des autres affections auront brisé ton cœur. » Enflammée de cette pensée, elle se sentit soudain blessée des dernières paroles de Mirmont. Il avait osé prétendre, lui faire oublier Paul. Il parlait de cet oubli comme d'une chose qui honorerait Camille si elle devenait sa femme. Mademoiselle Froger prit aussitôt la plume, et de sa plus belle écriture ferme et élégante, elle écrivit à son adorateur. « Monsieur, je crains que mon silence ne vous ait paru un acquiescement à vos dernières paroles. Je regretterais de vous laisser dans cette erreur. Je ne puis consentir à vous épouser ni maintenant ni plus tard. Veuillez me croire néanmoins fort honorée de votre recherche. » Elle signa tout au long Camille Froger, data la lettre, et écrivit l'adresse d'une écriture large et régulière. Puis, comme l'heure de sa seconde leçon était venue, toutes ses émotions lui avaient fait manquer la première, elle sortit et en passant devant un bureau de poste, elle jeta sa lettre à la boîte. Cette action accomplie lui laissa une grande douceur dans l'âme. On a beau aimer Paul Brécard, il est fort beau de refuser la main d'un homme tel que Mirmont. Camille pensa qu'elle avait droit à quelques récompenses et regarda sa montre. L'heure de la seconde leçon se trouvait un peu entamée, bien peu. La jeune fille hésita un instant entre la passion et le devoir, mais cet instant fut court. D'un pas pressé, presque joyeux, elle se dirigea vers la place du Châtelet. Devant la loge du concierge, elle hésita. « Madame Brécard ?» demanda-t-elle au lieu de monter au hasard comme d'habitude. « Madame est sortie, » lui répondit-on sans la regarder. « Et monsieur ? » dit-elle d'une voix altérée. Le concierge, surpris de ce changement, leva les yeux sur la jeune fille, qui pâlit d'émotion contenue. Elle avait peur du regard de cet homme. Il lui semblait qu'il devait savoir pourquoi elle demandait M. Brécard. « Monsieur n'est pas encore sorti depuis sa maladie, » répondit-il en reconnaissant la visite tardive qu'il avait maudite plus d'une fois. « Il est tout seul. Sa belle-mère est partie d'hier soir. » Cet homme regardait Camille d'un air railleur. Il avait remarqué que son locataire accompagnait toujours cette belle personne quand elle sortait et qu'il était parfois fort long à revenir. On s'était même avancé à la loge jusqu'à plaindre cette pauvre Madame Brécard. Camille monta l'escalier, poursuivie par le méchant sourire de cet homme qu'elle devinait derrière elle. Que lui importait? Elle allait voir Paul et le voir seul. Cette idée la rendait folle. Elle sonna, on ouvrit. « Monsieur Brécard ? » dit-elle. La bonne la fit entrer dans un grand cabinet de travail aux tentures sombres. Elle le connaissait bien. Que de fois, en l'absence de Paul, elle s'y était fait introduire sous prétexte d'y chercher des livres. Elle aimait cette pièce, qui, dans son idée, n'appartenait qu'au jeune ingénieur, car il n'y avait jamais vu sa femme. Celle-ci y avait pourtant passé bien des soirées, lorsque Paul terminait quelque travail pressé. Mais un mal qu'on ignore n'est pas un mal. Elle entra, fort timide, car la bonne n'avait pas pris la peine de l'annoncer. Il ne savait que dire à l'homme qu'elle aimait. Les banalités de la conversation qu'elle avait toujours si fort dédaignées lui eût été d'un grand secours, mais elle ne pouvait pas y recourir, faute d'usage. Paul, qui lisait, à demi couché sur une chaise longue, leva les yeux en lui souriant. Il croyait que c'était sa femme. « C'est moi, » dit Camille, ressaisissant son énergie. « J'avais besoin de vous voir. » Elle prit une chaise et s'approcha de lui. Une audace extraordinaire venait de s'emparer d'elle tout à coup, à la pensée que la Providence avait tout préparé pour cette rencontre. « Comment allez-vous ? » lui demanda le jeune homme, content de la voir après tout, car il avait oublié ses griefs pendant sa convalescence. D'ailleurs, ses torts étaient de ceux que l'amour-propre excuse aisément. Peut-on en vouloir à une aimable femme, belle et pleine de mérite, de vous avoir fait attraper, par l'attrait que lui inspirait votre présence, un rhume ou même une fluxion de poitrine? Du moment où l'on n'est pas mort, on ne saurait lui en garder rancune. « Je vais très bien, » se hâta de répondre Camille. « Mais vous ?»« Oh, moi, tout à fait bien. Le docteur s'entête à me retenir ici. N'était que je ne veux pas contrarier Claire. Je lui aurais désobéi depuis longtemps. »« Ne faites pas cela, » cria Camille. « Ne risquez pas votre vie. » Elle s'arrêta. Ne pourrait-elle donc se contenir ? Mais quelle parole ne serait pas dangereuse ? Tout ce qu'elle dirait, n'allait-il pas exprimer malgré elle sa joie et ses angoisses ? Paul rit doucement. Les convalescents ont la joie facile, et la pensée qu'ils ont échappé à la mort leur fait trouver charmant tout ce qui les entoure. Ses yeux brillants de satisfaction rencontrèrent ceux de Camille, et il tressaillit, comme un homme distrait qui se réveille soudain de sa rêverie en présence d'un danger inaperçu. Que de choses, il disait, ses yeux de Camille, noyés de larmes, débordant de tendresse, vivant, éloquent comme ses lèvres tremblantes. Il le contemplait avec extase. Penché en avant, amolli par le bonheur, ses mains jointes sur ses genoux, un vague sourire entourant sa bouche, elle adorait son idole. Le monde était bien loin. Claire n'existait plus. Paul sentit soudain qu'il avait été coupable. Les avertissements fugitifs que sa conscience lui avait donnés maintes fois lui revinrent tous ensemble. En un éclair, il se rappela les gestes, les paroles qu'il avait frappées jadis et qu'il n'avait pas voulu juger, de peur d'avoir à les condamner. Mais ce n'est pas l'amitié, lui cria une voix intérieure. L'amitié, si exaltée qu'elle puisse naître dans le cerveau d'une jeune fille romanesque, n'a pas ses yeux et ce sourire. Elle est folle, mais tu es fou, toi, homme, de ne pas t'en être aperçu. Une violente secousse ébranla l'âme de Paul. Un peu d'argile se remue toujours au fond de nous-mêmes. Camille était si belle, elle se donnait si bien à lui, corps et âme, dans sa contemplation muette, qu'il ne put s'empêcher de penser « c'est dommage ». Il ne s'arrêta pas à cette pensée de regret. Regretter quoi, d'ailleurs ? Que son destin ne lui eût pas donné cette fille orgueilleuse, à l'âme étroite, au lieu de sa bonne Claire qu'il aimait tant et dont la beauté moins éclatante devait résister mieux aux outrages du temps et aux fatigues de la vie. Il se reprocha ce mouvement involontaire, et rentrant aussitôt dans le devoir et la raison, il détourna la tête. « Claire n'est pas rentrée ?» demanda-t-il à Camille, espérant par ce nom lui rappeler la réalité de leur situation. Elle secoua négativement la tête et continua de le regarder. N'entendant pas de réponse, il avait levé les yeux sur elle, mais son regard plus sérieux, loin de calmer Camille, fit monter à ses yeux le flot de larmes prêtes à déborder depuis longtemps. « Vous êtes fâchée contre moi ? » dit-elle d'une voix humble et suppliante. « Pourquoi ? Que vous ai-je fait ?» Paul, surpris, ne sut que répondre. « Quelle idée ! » dit-il après un moment d'hésitation. « Je n'ai aucune raison d'être fâché contre vous. » « Mais vous me regardez d'un air de reproche et vous me parlez de Claire. » Le jeune homme, faible encore de sa maladie, inquiet de la tournure que prenait leur entretien, essaya de tourner le tout en plaisanterie. « Est-ce une punition ? » dit-il maladroitement, « que de vous parler de Claire ?» Camille pâlit. « Oui, c'était une punition. C'était bien plus, c'était un outrage. » Mais pouvait-elle le dire au mari ? Son orgueil et son amour brisèrent leur dernière digue, et le flot de sa colère déborda soudain. « Oui, c'est une offense. Pourquoi me parlez-vous de Claire ? Claire que vous aimez, qui porte votre nom, qui vous soigne, qui vous sauve, tandis que moi, misérable que je ne suis rien, je ne puis rien. » Elle vous guérit quand c'est moi qui vous mets en péril et vous me parlez d'elle. Ne savez-vous pas que je voudrais oublier son existence? Et c'est tout ce que je puis, dans ma charité chrétienne, de ne pas lui souhaiter la mort. » Elle s'est élevée. Paul, effrayé de sa véhémence, se leva aussi, et ils se regardèrent un instant face à face. Ce n'était pas la tendresse qui animait leur visage, c'était une terrible colère. Paul se sentait insulté dans ses sentiments de mari. Mais il n'était plus possible de s'arrêter sur la pente et Camille parlerait. « Oui, » reprit-elle avec sa flamme méchante dans les yeux, « Claire est mon ennemie. Autrefois, elle vous empêchait de remarquer mon amour. Sans elle, vous m'auriez choisi. Dieu sait que j'ai tout fait pour éviter de vous revoir. C'est elle qui m'a ramené à votre foyer, c'est elle qui vous a, c'est elle qui se part de votre amour, tandis que moi, on me fait ici la charité d'une bonne parole, qu'on me jette un os, un chien mendiant. Ne me parlez pas d'elle. Mais moi, moi, qui vous adore depuis tant d'années, moi, qui n'ai jamais eu de vous que des peines, n'ai-je pas droit à quelque bonté de votre part? Dites-moi un mot d'amitié, et je ne sentirai plus mes blessures. Mademoiselle, dit gravement le jeune homme, vos sentiments offensent ma femme, et le mariage nous a rendus solidaires l'un de l'autre. Camille se recula et se laissa retomber sur une chaise. De grosses larmes roulèrent sur ses joues pâles. Il joignit les mains avec le geste de la prière, mais sans rien dire. Paul n'osait la regarder, craignant d'être trop brutal, et cependant, sentant qu'il fallait en finir avec cette situation intolérable. « Vous n'auriez pas dû, reprit-il avec plus de douceur, me forcer à prononcer cette parole. Mais si Claire n'est plus votre amie, ma place n'est plus ici, répliqua la jeune fille, séchant soudain ses larmes au feu de l'orgueil blessé. « Vous êtes cruel, monsieur. De pareilles choses s'insinuent, mais ne se disent pas en face. » Paul s'inclina avec l'expression du regret et de la déférence, mais avec une froideur qui ne laissait plus d'illusion à Camille. « Que penserait votre femme, reprit-elle, si je ne venais plus chez vous? Je ne suis pas au nombre des heureux de ce monde, moi. Je ne puis entreprendre quelque voyage de plaisir lorsque les circonstances m'ordonnent de quitter la partie. Il faut que je passe bon visage aux événements. Si vous croyez que je ne doive plus revenir dans cette maison, dites-le à votre femme, monsieur Brécard. Lorsqu'elle m'ordonnera de ne pas y rentrer, je m'inclinerai devant sa décision. Jusque-là, je ne veux pas affliger mes vieux parents par la pensée que je subis un tel outrage. Je ne veux pas m'exposer au quolibet du monde. J'ai aussi cependant quelque honneur à garder. Je ne dirai rien, Claire, mademoiselle, répondit Paul après un instant de silence pendant lequel Camille, frémissante, les yeux fixés sur lui, semblait lui jeter un défi. Je ne veux pas affliger ma femme. Vous me dictez ma conduite. Dorénavant, je saurai éviter votre présence. « Vous me haïssez donc bien ?» murmura Camille, soudain radoucie et prête à fondre en larmes. « Comment ai-je pu mériter votre haine ?»« Je ne vous hais point, » répliqua Paul, osant enfin la regarder en face. « Je n'ai pour vous que de bons sentiments. » Et je dois ajouter qu'en ce moment s'y joint la plus affectueuse... « Pitié ?» demanda Camille, voyant qu'il cherchait un mot. « Je dirais pitié si ce mot n'avait quelque chose de blessant. » Et vous blessez bien loin de ma pensée. Mais je suis plein de regret pour la peine que vous inflige cet oubli momentané de mes devoirs et des vôtres. » Camille frémit, blessée dans son orgueil par cette nouvelle leçon. Mais le regard honnête et ferme que Brécard attachait sur elle la rendit à son humilité factice, résultat de toute une vie dirigée à faux. « J'accepte votre pitié, monsieur, de quelque nom que vous vouliez la parer. » Paul, s'écria-t-elle, noyée dans ses pleurs. « Laissez-moi vous voir parfois, vous entendre, sentir que vous m'aimez un peu, que je compte dans votre vie, et que vous pensez quelquefois à moi comme une amie. Je ne demande que cela, c'est si peu. » « C'était possible hier, c'est impossible aujourd'hui, » répondit Brécard en se détournant. Elle resta silencieuse un instant, puis se dirigea lentement vers la porte. Arrivée sur le seuil, elle se retourna. « Je reviendrai ici, » dit-elle d'une voix soumise, « mais quand vous n'y serez pas. La seule grâce que je vous demande est de me laisser respirer de temps en temps l'air que vous avez respiré. C'est Claire qui me donnera de vos nouvelles, et mes rares visites ne seront pas longues, je vous le jure. » Elle disparut. La porte se referma, puis celle de l'escalier, et Paul se trouva seul. Pendant un instant, il resta immobile, renouant le fil de ses idées et essayant de se former un jugement sur cette situation impossible. De quelque côté qu'il la retournât, il n'y voyait point d'issue. Un coup de sonnette de sa femme qui rentrait lui rendit le calme. « Il faut que Claire soit heureuse, se dit-il. Elle n'a pas mérité de voir son bonheur terni par ce nuage. L'âme de Claire est limpide comme son nom. Aucune trahison ne doit en troubler la sérénité. » La jeune femme entra. Son joli visage, animé par la course et la fraîcheur piquante d'une belle journée d'automne, respirait la joie et la confiance. Elle s'approcha de son mari et lui tendit son front sans rides. « Es-tu très bien portant ?» lui demanda-t-elle en appuyant sa main sur l'épaule du jeune homme. « As-tu été bien sage ? T'es-tu suffisamment préparé à une démarche importante ? Oui, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai rencontré le docteur qui m'a grondé de ne pas t'avoir fait encore prendre l'air. Et j'ai ramené un landau. Nous allons au bois de Boulogne, mais pas sans cache-nez. » Elle allait et venait, choisissant un foulard, s'assurant que le grand paletot ouaté serait assez chaud. Paul l'arrêta soudain au passage et la prit dans ses bras. « Claire, lui dit-il, d'une voix grave et tendre, tu es ma joie et mon orgueil. Ton amour, ma fidèle petite femme, est le prix de ma vie. Je sais ce que tu vaux, et je te remercie, toi, si parfaite, d'aimer une idole aux pieds d'argile comme moi. Toi ? L'or le plus pur ? Répondit Claire dans un élan d'orgueil et de tendresse. « Je ne t'aime pas encore assez pour ce que tu vaux. » Paul secoua doucement la tête, et enveloppant sa femme dans une étreinte plus étroite, il mit sur ses cheveux un baiser si sérieux et si solennel qu'elle en ressentit la gravité jusqu'au fond du cœur. « Heureux, dit-il tout bas, celui qui peut vivre et mourir avec une telle compagne à ses côtés. » Le cœur de Claire se gonfla de reconnaissance. Ceux qui n'abusent pas des grands mots dans la vie usuelle leur trouvent un sens extraordinairement profond quand des circonstances graves les amènent sur leurs lèvres. Les deux époux s'entre-regardèrent un instant. Toute la joie du passé, la confiance et la sécurité de l'avenir brillaient dans ce regard dépouillé de tout limon terrestre. Ils se serrèrent fortement la main et leur étreinte se dénoua. Puis ils sortirent ensemble sans prononcer une parole et bientôt, au doux soleil frileux des premiers jours d'hiver, ils roulèrent dans les avenues du bois de Boulogne, où la terre exhalait cette âpre senteur de feuilles tombées qui donne si bonne envie de vivre. Au moment où Gustave Mirmont quittait son bureau, bien calfeutré dans son superbe paletot d'hiver, dûment garni de fourrure, noble et digne, comme tout ce qui lui appartenait, on lui remit une lettre. Il la regarda en fermant à demi les yeux. Comme feu Don Juan, son maître, il lui volontiers dit « Sento odor di femina » car l'écriture accusait une main féminine, mais le papier ne sentait rien. Or, chacun sait que le papier d'une femme doit être parfumé de quelque odeur persistante, désagréable, énergique, dont le malheureux qui la reçoit ne peut se débarrasser qu'en détruisant le papier accusateur. C'est jusqu'ici le seul moyen faillible que les femmes aient trouvé pour faire brûler leur correspondance. Cependant, Mirmont ouvrit le pli, et y trouva le billet bref et clair de Camille. C'était un homme fortement trempé, et sur lequel les mécomptes de la vie n'avaient d'influence que lorsqu'il l'atteignait dans son intérêt ou dans son ambition. Il ne s'agissait point ici d'intérêt, car Camille était pauvre, ni d'ambition, puisqu'elle n'était rien. Mais l'orgueil du fonctionnaire se cabra sous ce coup de fouet. Cette petite provinciale, cette maîtresse de piano, se permettait de le refuser sèchement, non plus sous le prétexte, toujours acceptable, que son cœur était pris d'avance, mais simplement pour qu'il la laissât tranquille, pour se débarrasser à jamais de ses assiduités. Mirmont grommela quelque chose entre ses dents, mit la lettre dans la poche intérieure de sa redingote, reboutonna son paletot, alluma un cigare et sortit. L'air sec et piquant de cette belle journée, loin de le calmer, lui donna une sorte de fièvre, et le sang monta à son visage. Il allait sur le boulevard, d'un pas rapide et saccadé. De temps en temps, il rencontrait un visage de connaissance et donnait un coup de chapeau, mais il n'eut pu nommer le porteur de ce visage. Deux ou trois fois, on l'arrêta pour lui parler. Un ami lui demanda s'il se portait bien. Un autre lui conseilla de se soigner, car il travaillait trop. Mirmont les remercia de leur intérêt et continua sa marche vers la Madeleine. Jamais peut-être il n'avait senti gronder en lui un semblable orage. Et la cause de ce violent dépit n'était pas difficile à trouver. Mirmont ne se piquait pas de rigorisme, et les sentiments que Camille lui avait d'abord inspirés n'avaient rien du respect jaloux qu'on éprouve pour la jeune fille dont on veut faire sa femme. Lorsqu'il s'était enfin aperçu que Mademoiselle Froger ne lui appartiendrait qu'à la condition de devenir Madame Mirmont, la lutte s'était établie entre son amour d'une part, son orgueil et son ambition de l'autre, et si l'amour était vaincu, c'était parce qu'à l'aide d'un sophisme ingénieux, il avait réussi à le mettre d'accord avec son ambition grâce à la beauté de Camille qui lui permettrait de régner sur son entourage. Tout cela en pure perte. le grand et généreux effort qu'il avait fait en offrant à une fille pauvre et obscure l'éclat de sa position et de sa fortune n'était plus qu'un coup d'épée dans l'eau. Gustave se trouvait ridicule et ne pouvait accepter cette situation blessante. Après qu'il eut bien regimbé intérieurement, il finit par se dire qu'après tout la partie n'était pas perdue. Camille avait refusé haut et sec, fort bien, mais au fond les choses restaient en l'état. Elle n'en épousait pas un autre, puisque celui qu'elle aimait était marié. Un jour ou l'autre, pour en finir avec son existence pénible et incertaine, elle épouserait le premier venu. Pourquoi ce premier venu ne serait-il pas lui ? Le tout était d'être là au bon moment. Mais Mirmont n'était pas d'humeur à poursuivre longtemps d'amour une belle orgueilleuse. Il était expéditif, et d'ailleurs la situation que son entêtement lui faisait auprès de la jeune fille n'était pas de celle qu'on peut soutenir indéfiniment. Il fallait s'arranger pour brusquer un dénouement inévitable. Oui, mais comment ? En faisant ses réflexions, Mirmont arriva à la hauteur des Champs-Élysées et s'arrêta machinalement pour regarder défiler les voitures. Dans un landau de la compagnie, prosaïquement traîné par deux chevaux très ordinaires, il aperçut la physionomie radieuse de Madame Bricard et à côté, enveloppé jusqu'aux yeux dans les replis d'un cache-nez, son rival, Paul Bricard, qui se laissait promener avec l'air heureux et endormi des convalescents et des enfants qu'on rentre. Ils revenaient de leur promenade, un peu grisés par l'air piquant de ses premiers froids, et avec un vif sentiment de joie et de vie nouvelle dans leur cœur si bien uni. Ils ne voyaient personne, laissant errer leurs yeux sur le fourmillement de la foule, sur le chatoiement des couleurs, et par-dessous l'épaisse couverture de voyage jetée sur leurs genoux, on sentait que leurs mains s'étaient réunies. Mirmont sentit une commotion électrique lui secouer le corps. « Voilà le moyen, » se dit-il, éclairé par une lumière soudaine, qui ne venait peut-être pas d'en haut. « Dès demain, je mets le feu aux poudres. » Délivré désormais de toutes ses tribulations, car il ne doutait plus de la victoire, Gustave Mirmont rentra dans Paris du pas d'un triomphateur. Le soir s'assombrissait. Déjà le gaz était allumé partout. Dans la rue, les passants marchaient vite pour se réchauffer, et l'on voyait des tourbillons de fumée sortir de toutes les cheminées. Les ménagères allumaient le feu pour l'arrivée du mari revenant de son bureau ou pour les enfants sortant de l'école. Dans les quartiers pauvres du Marais, le long des quais bordés de hautes maisons vieilles et laides qui s'en iront bientôt, on sentait que l'heure du dîner approchait, à l'odeur des ragoûts confectionnés dans les petits restaurants et chez les marchands de vin. Au bout de ce quai, posé comme une borne qui dirait à la vie « tu n'iras pas plus loin », l'hôtel de la Trémouille, sombre et muet, garde l'entrée d'une rue triste où l'omnibus qui la traverse toutes les 5 minutes n'arrive pas à mettre même un semblant de circulation. Le grand hôtel regarde la Seine, avec ses fenêtres sans vitres, souvent même sans châssis. Le campanile élégant qui le surmonte semble, dans l'obscurité, la niche de quelque être invisible, peut-être malfaisant. Des rumeurs étranges, craquements de vieilles charpentes, effritements de pierres vieilles, effondrements de balustres rongés des verres, frappent l'oreille du passant. Dans notre Paris si moderne, si remuant, si sceptique, ce vieil hôtel semble une histoire de revenant en permanence. Après avoir quitté Paul, Camille était allée donner ses leçons machinalement. Il fallait bien faire quelque chose. Elle avait retrouvé sa justesse de doigté, sa scrupuleuse obéissance au texte, pour enseigner à 3 ou 4 petites filles récalcitrantes l'exécution matérielle, non idéale, de quelques morceaux des maîtres. Et puis elle s'en était revenue lentement, pensant à la scène du matin, engourdie dans une sorte de torpeur douloureuse et incapable de se secouer pour réfléchir et prendre une résolution. Évitant les endroits populeux, elle avait pris cette sombre rue du Petit Musc, mal pavée, privée de trottoir, où son pied mal assuré se heurtait souvent à une pierre. Puis, elle se trouva à l'angle de l'hôtel et s'arrêta, surprise. Elle n'était jamais venue là, et l'endroit lui paraissait lugubre. À sa gauche, un vaste espace nu, quelques arbres, une estacade qui se prolonge dans la Seine. En face, l'île Saint-Louis, sombre et triste, plus encore de ce côté que de tout autre, car le vent du nord et les pluies d'hiver ont revêtu les maisons d'une teinte plus noire et plus funèbre que sur la rive opposée. La Seine coulait là, au bas d'une berge caillouteuse, et tout était désert. La faible clarté du jour mourant s'effaçait dans le ciel au-dessus des maisons de l'île, et de ce côté du monde, tout semblait condamné au froid, au silence, à la décrépitude. L'omnibus qui passait ébranla les châssis sans vitre du vieil hôtel, puis le bruit s'éteignit au loin dans la rue. Camille frissonna et traversa le quai. Elle était bien lasse. Elle s'appuya sur le parapet pour se reposer. Le froid de cette pierre lui était familier. Que de fois elle y avait posé ses doigts brûlants pendant ses promenades du soir. Elle frissonna cette fois et retira sa main. Puis elle replia un coin de son vêtement et s'accouda dessus. Tout ce qu'elle voyait était triste, triste à en mourir. Elle pensa que si quelque désespéré voulait en finir avec la vie, c'est en ce lieu qu'il devait apporter son dernier désespoir. La fraîcheur de la pierre perçait à travers le drap que Camille avait mis sous ses mains. Elle toussa un peu, puis plus fort. Elle n'aurait pas besoin de précipiter sa fin, à elle. La mort viendrait la prendre assez vite. Il ne savait pas ce qu'ils disaient ceux qui attribuaient à des causes nerveuses l'horrible toux qui lui déchirait la poitrine. Qu'importait l'absence de tout fâcheux symptôme? Qu'importait sa force juvénile et l'éclat de ses yeux? Elle se sentait mourir. Il n'était pas besoin d'autres preuves. Et à la pensée de la mort, Camille, malheureuse et désespérée, se sentit prise d'un immense amour pour la vie. Paul s'était mal conduit envers elle. Il eût dû avoir quelque pitié, comprendre que cette jeune fille souffrait le martyr depuis des années, deviner que son cœur appartenait en entier à cet indifférent et qu'elle n'en voulait rien soustraire. « Ah, s'il eût voulu, se disait Camille, s'il eût accepté la tendresse que je lui offrais, rien ne m'eût semblé pénible. S'il avait compris ma peine, s'il m'avait tendu la main, je crois que par reconnaissance pour lui, j'aurais presque aimé Claire. Mais cette froideur, cette cruauté... » Elle n'avait pas besoin d'aimer Claire, puisque Paul avait été sans pitié. Mais il faudrait aller la voir, puisque c'est seulement par elle qu'elle aurait des nouvelles du jeune homme. L'amertume de la trahison lui monta aux lèvres, et pendant un moment elle eut dégoût d'elle-même. Mais les personnes de la trempe de Camille ne se tiennent pas longtemps en rigueur. Elle trouva un biais pour se réconcilier avec elle-même. C'est par esprit de charité qu'elle irait voir Claire. Elle apporterait à cette femme frivole et indifférente au bien les conseils désintéressés de sa sagesse. Elle tâcherait de rendre moins indigne de Paul la femme qui partageait sa vie. C'était là encore un moyen d'être utile à celui qu'elle aimait. Camille se remit en marche lentement. 6 heures étaient sonnées depuis longtemps, mais elle n'avait pas faim et ne se sentait pas pressée de rentrer. Elle aimait la vie, et depuis un moment elle aimait plus que jamais. Eh bien, elle aurait encore 2 bonnes heures dans le petit salon à vannes de Madame Bricard. Claire n'avait jamais pensé à se soustraire à son influence, sauf quelques mouvements d'humeur, fruits d'un caractère qui ne s'était pas suffisamment châtié. Elle avait toujours témoigné à son amie des sentiments d'affectueuse déférence. Et puis, qui sait si Paul ne serait pas touché de voir celle dont il repoussait la tendresse tout idéale, tout immatérielle, consacrer ses efforts à son bonheur, en s'efforçant de perfectionner sa femme. Dans l'idée de rendre sa rivale plus digne d'amour et de respect, Camille voyait une grandeur mélancolique qui la consola presque de son chagrin. Chez eux, M. et Mme Froger attendaient l'enfant prodigue en retard. La salle à manger, bien close, avec sa lampe de cuivre bien brillant, avait son air de bonne humeur ordinaire, sauf que les chardonnerets dormaient profondément. Un bon feu ronflait dans le poêle, un poêle à niche peint en vert avec un dessus de marbre noir, comme on en faisait autrefois. Sur le marbre, dans une serviette, se réchauffaient des marrons. Des marrons, les premiers de l'année, une surprise que Sébastien avait rapportée à Isabelle. Isabelle l'avait accueillie avec joie, mais les marrons menaçaient de refroidir complètement et la joie s'était éteinte. Jamais, depuis qu'il était avec eux, Camille ne s'était fait attendre ainsi. À 6 heures, elle apparaissait toujours, plus ou moins sérieuse, d'autres auraient dit maussade, mais elle était là. « Dis donc, belle, » fit timidement l'ex-professeur, « est-ce qu'elle va se mettre à ne plus rentrer que pour dîner à présent ?» Belle haussa les épaules et s'appliqua à couper nerveusement 4 une imperceptible croûte de pain tombée sur son assiette. « Veux-tu que je te dise ?» dit enfin Madame Froger, voyant que la miette de pain ne se laisserait pas réduire en fractions si minimes. « Je vais faire servir la soupe. »« Non, non, attends !» implora le bon Sébastien. « Cela lui porterait un coup si elle nous trouvait en train de manger. » Il lui est peut-être arrivé quelque accident. Les accidents, Sébastien, quand il en arrive, on vient toujours vous prévenir et vous rapporter les personnes. J'ai cousu l'adresse de Camille à tous ses pardessus, de sorte que même si on lui volait son porte-monnaie ou la décarte, On saurait où nous trouver. Et puis tout ça, c'est notre faute, s'écria la bonne dame, éclatant enfin. Nous lui avons permis de sortir seule le jour, elle a pris la permission de sortir seule le soir, et un de ces quatre matins, elle ne rentrera plus du tout, que quand ça lui fera plaisir. Oh, belle ! Fit M. Froger, abasourdi par tant d'éloquence et effrayé par tant de sévérité. Oui, mon ami, c'est comme je te le dis. Camille est une originale, elle ne fait rien comme personne, et tout cela finira par quelque désagrément. Je suis lasse de ses fantaisies. Il faudra bien qu'elle s'en corrige. Madame Froger saisit la sonnette d'une main tremblante d'indignation. « Apportez la soupe » cria-t-elle d'un ton péremptoire à la vieille cuisinière sourde. « Mais, madame, mademoiselle n'est pas rentrée. Apportez la soupe !» recria Madame Froger. Elle avait l'air si imposant que la vieille femme se retira. L'instant d'après, elle réapparut, le visage bouleversé. « Madame, » disait-elle, « un malheur !» s'écria Madame Froger en se levant tout à coup, la serviette à la main. Sébastien, moins leste, appuya les deux mains sur le bord de la table pour se lever. Oui, madame, mais ce n'est pas ma faute. C'était une soupe à l'oseille. Et la soupe à l'oseille n'aime pas être réchauffée. La soupe a tourné, madame. Oh, mais tout à fait. Ça n'est plus que de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Madame Froger avait repris sa place et Sébastien avait ôté ses mains de dessus la table. Nous nous passerons de soupe, conclut la tante Belle, heureuse d'en être quitte à si peu de frais, après ce qu'elle avait redouté. Pas de soupe, Seigneur Dieu, dîner sans soupe, gémit le vieux cordon bleu. Si vous voulez, madame, je vous ferai bien vite une bonne petite soupe à l'oignon. Pas de soupe, proféra madame Froger, apportez le rôti. La mort dans l'âme, la cuisinière retourna à son fourneau. Il me semble, Belle, fit timidement observer Sébastien, qu'on pourrait bien faire une petite soupe à l'oignon, ce n'est pas long. Je veux bien, mon ami, répondit son épouse avec douceur, mais si elle rentre pendant ce temps-là, elle croira que nous n'avons pas eu l'ennui d'attendre à cause d'elle. » Sébastien ne souffla plus mot et le rôti parut. Au moment où Madame Froger enfonçait le grand couteau dans la viande saignante, la sonnette retentit et l'instant d'après Camille entra dans la salle à manger. « Vous êtes à table ? » dit-elle d'une voix lassée. « À l'heure qu'il est ? » répondit la tante Belle, sans quitter des yeux la fourchette à découper. « Est-il si tard ? » fit Camille avec indifférence. Sébastien la regarda et remarqua sa pâleur. Une légère toux, provoquée par la chaleur de l'appartement, secoua les épaules de la jeune fille. Elle tournait le dos en déposant son pardessus. D'un clignement d'yeux, il l'indiqua à sa femme. Celle-ci, soigneuse de sa dignité, jeta un regard rapide à Camille et le grand couteau trembla légèrement dans sa main. « D'où viens-tu ? » demanda-t-elle d'un ton moins sévère. « J'ai donné mes leçons. » répondit la jeune fille d'un air distrait. « Si tard ?»« Je me suis arrêté à regarder couler l'eau, » répliqua-t-elle de cette voix endormie que lui inspirait l'indicible ennui de cette maison, pourtant si douce et si hospitalière. Les époux échangèrent un nouveau regard, et la tante Belle passa à Camille son assiette servie. « Mon Dieu !» pensa Sébastien. « Elle ne s'aperçoit seulement pas qu'on ne lui a point donné de potage. Que lui est-il arrivé ?» Camille mangeait lentement, par contenance, et certainement, comme le pensait son oncle, elle ne s'était pas aperçue de l'absence du potage. Que lui importait un mets de plus ou de moins? Le vieux Froger se sentit l'âme émue. « Tu as eu froid, n'est-ce pas ? » lui dit-il avec bonté. « Oui, mon oncle. As-tu toussé en venant ? » demanda Isabelle. « Oui, ma tante. » Camille se rappela le sombre endroit du quai, les lumières reflétées dans l'eau grise éterne. La pensée du désespéré qui viendrait finir là sa malheureuse vie lui revint avec force et elle frissonna. « Tu es malade ?» demanda Madame Froger avec intérêt. « Je le suis toujours. » Cette réponse laconique froissa les sentiments affectueux de la bonne dame. « Ce n'est pas une raison pour nous faire attendre à l'heure des repas, » dit-elle avec une légère nuance d'indignation. « Cela gâte l'estomac et ton oncle ne peut pas supporter ces changements dans ses habitudes. Aujourd'hui, grâce à ta promenade, nous nous sommes passés de soupe. » « Pourquoi donc, ma tante ?» demanda Camille avec un étonnement très naturel. « Parce que le potage avait tourné à t'attendre. La soupe à l'oseille ne souffre pas de ses retards. » Camille pensa qu'il était fort regrettable que la soupe à l'oseille fût si susceptible. Mais heureusement pour elle, elle garda dans son âme le secret de cette remarque malsonnante. Son silence calma un peu sa tante, qui acheva de reprendre sa sérénité en mangeant. Quand le repas fut terminé, Madame Froger annonça qu'elle fera faire un peu de thé, autant pour régaler Sébastien, qui en était extrêmement friand, avec de la crème et beaucoup de sucre, que pour réchauffer Camille, qui ne paraissait pas avoir reconquis son équilibre. « Eh, belle, dis donc, cela remplacera le potage ?» fit M. Froger d'un air content, quand il entendit donner cet ordre. « Seulement, au lieu de l'absorber au commencement du dîner, nous le prendrons à la fin. » Le bon vieillard était si content qu'en passant près de Camille, il faillit lui donner une petite tape d'amitié. Mais il se retint en songeant qu'après l'incartade de sa nièce, il convenait de garder plus de sérieux. La nappe fut enlevée, un plateau fit son apparition avec trois jolies tasses blanches à filets d'or en porcelaine de Sèvres, marquées au chiffre de Louis-Philippe. Ce service était, pour Sébastien Froger, un certificat de courage civil. Après les journées de 1848, il avait acheté chez un revendeur, à qui une âme timorée l'avait cédé pour se défaire de cette pièce compromettante. Sébastien portait haut la tête quand il parlait de cette emplette. « Les barricades fumaient encore, monsieur, » disait-il en terminant son récit. Madame Froger, tout en faisant les préparatifs de cette gâterie, ne pensait qu'à une chose. Pourquoi Camille avait-elle cet air à la fois navré et héroïque? Il devait s'être passé quelque chose d'extraordinaire. Mais comment l'apprendre? Une idée lui vint. À la vérité, c'était une idée élémentaire, mais elle n'en était pas moins lumineuse. D'ailleurs, les idées lumineuses ne sont-elles pas pour la plupart élémentaires? N'est-il venu personne aujourd'hui? Demanda-t-elle à la cuisinière sourde au moment où celle-ci apportait l'eau chaude. Plaît-il? Demanda la vieille, qui mit sa main en cornet, car Madame Froger avait parlé bas, exprès, probablement. Monsieur Mirmont est venu ce matin pendant que vous étiez sortis tous deux, répondit Camille, non sans déplaisir, mais poussée par le sentiment du devoir. Cette fille étrange, qui payait sa conscience de si mauvaises raisons, n'eût voulu ni mentir, ni même dissimuler. Elle ne perdait le sens du juste que lorsqu'il s'agissait de son amour. « Monsieur Mirmont, ce matin, c'est impossible !» s'écrièrent les deux époux ensemble. « À cette heure-là, » ajouta Sébastien, « il devait être à son bureau. »« Il n'y était pas, je vous le certifie, » répondit Camille, qui ne put s'empêcher de sourire à la remarque de son oncle. « Et qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda Madame Froger. « Il voulait me demander en mariage, » répondit la jeune fille, dont la mauvaise humeur revint aussitôt, en songeant aux reproches qu'elle allait essuyer. « Eh bien ?» Les deux époux retinrent leur haleine après cette question pour mieux entendre la réponse. Mais Madame Froger, dès lors, avait peu d'espoir, car sa nièce n'avait pas la figure d'une jeune personne qui épouserait Gustave Mirmont. « Je l'ai refusé, » répliqua laconiquement Camille. Si prévu que fut la réponse, le coup était rude, et nos amis en furent désarçonnés au point que la tante Belle oublia de recouvrir sa théière. « Refusé, Camille? Tu as refusé cet homme-là? « Oui, ma tante, à mon grand regret, mais je ne l'aime pas. Recouvrez donc votre thé, ma tante, il ne vaudra plus rien. » Machinalement, Madame Froger obéit à sa nièce, puis elle répéta « Refusez cet homme-là, mais Camille, tu as perdu la tête. »« C'est vraisemblable, » répondit la jeune fille. « Mais que voulez-vous que j'y fasse? J'ai grand mal à la tête, je vais aller me coucher. »« Non pas, Camille, » dit Sébastien, « attends un peu. » Le bonhomme, grandi soudain par l'autorité paternelle qu'il venait de revêtir, avait parlé d'un ton si peu en harmonie avec sa bonhomie ordinaire que sa nièce surprise le regarda fixement. « Nous t'avons donné beaucoup de liberté, Camille, trop peut-être, je commence à m'en convaincre. Mais ce n'est pas une raison pour traiter à la légère une chose aussi sérieuse que ton établissement. À la mort de ton père, c'est nous qui t'avons appelé auprès de nous, assumant ainsi toute la responsabilité paternelle. Nous avons cherché à t'établir. M. Mirmont est un parti bien au-delà de nos espérances. Il n'a aucune tare, rien dans sa personne ne peut motiver de répugnance. Tu es certainement libre de refuser sa main, mais au moins dois-tu nous donner une bonne raison à l'appui de ta résolution. » Camille éprouva pour son oncle un respect nouveau, né spontanément du ton qu'il prenait avec elle, et c'est avec une véritable déférence qu'elle lui répondit « Mon cher oncle, l'amour ne se commande pas. « Je n'aime pas M. Mirmont. »« Cela ne suffit pas, Camille, » insista Madame Froger. « L'estime et l'amitié peuvent souvent remplacer l'amour. » La jeune fille eut bien envie de leur donner la vraie raison de son refus. En avouant qu'elle en aimait un autre, ne se débarrasserait-elle pas de ces fâcheuses instances? mais elle réfléchit et se dit que ce serait le signal d'une nouvelle persécution. Elle se décida à garder le silence. « Tu nous caches quelque chose ?» reprit Sébastien, toujours grave. « Jusqu'ici, nous avons respecté ton secret, mais nous avons maintenant droit à le connaître, puisqu'il met ton avenir en question. » « Mon oncle, répartit Camille, je n'ai pas de secret qui puisse mettre mon avenir en question. Je vous jure que si je refuse M. Mirmont, ce n'est pas parce que je désire en épouser un autre. Je pense que cette assurance vous suffit. J'ajouterai même que si je voulais me marier, je n'aurais aucune raison pour refuser la main de votre ami. » Cette réponse ambiguë prit au dépourvu les deux vieillards, qui se regardèrent et ne surent que répondre. Cependant, Mme Froger, plus habile, insista encore. « Tu t'ennuies avec nous, Camille, c'est clair comme le jour. Pourquoi n'acceptes-tu pas un mari qui te ferait une belle position dans le monde et qui te procurerait 1000 satisfactions d'amour-propre et de luxe que tu ne peux avoir chez nous ?»« Je ne me marierai pas par ambition, ma tante, » répondit la jeune fille. « Et maintenant, si vous voulez me donner une tasse de thé, je l'accepterai avec plaisir. » Sa tante lui donna la tasse de thé demandée, mais la gaieté et la confiance ne revinrent plus autour de la table. Les époux sentaient bien qu'ils ne comptaient pas dans la vie de leur nièce et qu'elle les acceptait tout au plus comme des nécessités. En disant des nécessités, nous ne voulons point conclure que Camille n'eut aucun attachement pour ces vieillards, si bons et si affectueux. Mais il est des nécessités que l'on finit par aimer. On a une sorte d'affection pour les objets dont on se sert journellement, pour son logis, ses meubles, ses livres surtout. C'est un attachement de cette espèce qui liait Camille à ses vieux parents, et quelquefois elle les trouvait bien incommodes. Quelques instants après, dès qu'elle le put décemment, la jeune fille se retira. Au moment où il s'approchait pour lui dire bonsoir, Sébastien, profitant de ce que sa femme remettait en place le fameux service, se pencha vers sa nièce pour l'embrasser et lui dit à l'oreille « Surtout, Camille, ne t'attarde plus, cela fait trop de chagrin à ta tante. » La jeune fille sourit et sortira. Elle avait à peine atteint la porte de sa chambre que la tante Belle la rejoignit. Écoute, Camille, lui dit l'excellente femme en lui prenant la main, je t'en supplie, ne nous donne plus d'inquiétude. Tu ne peux pas te figurer le mal que cela fait à ton oncle. Soyez tranquille, ma tante, répondit Mademoiselle Froger. Isabelle revint auprès de son mari, le cœur serré, et en le regardant attentivement, elle vit bien qu'il éprouvait la même impression. Si seulement, soupira Sébastien, elle nous avait dit qu'elle nous aime, qu'elle se trouve bien auprès de nous. Camille ne ment jamais, répartit Madame Froger avec un peu d'amertume. Pourquoi dirait-elle ce qu'elle ne pense pas? Ils soupirèrent de concert. C'est une manière d'être moins malheureux quand on s'aime. Sais-tu, Belle, reprit Sébastien après un moment de réflexion, je commence à croire que Camille n'est pas si parfaite. La pauvre enfant, répondit sa femme, le cœur gros de tristesse.